La musique du ventilateur tourne encore dans nos cœurs et nos corps se répondent, noyés dans la chaleur. À l'autre bout du monde, des frissons d'équateur dans cette lumière blonde. Mes mains dans tes cheveux, cette lumière blonde.